Les funérailles de Kang Suk-ju, membre du comité central du Parti du Travail de Corée et député à l'Assemblée populaire suprême de la République populaire démocratique de Corée, ont eu lieu le 22 à Pyongyang en deuil national. Y ont pris part Fang Byung-soo, Park Bong-ju, Choi Ryong-hae et autres membres du comité de deuil national et la famille du défunt. Avant le départ du cercueil, ils ont observé un moment de silence. Au cimetière des martyrs patriotes de Smiri s'est déroulée la cérémonie d'adieu. Choi Ryong-hae, membre du comité permanent du bureau politique et vice-président du comité central du Parti du Travail de Corée, a dit dans son discours funèbre que la mort du vrai révolutionnaire et homme politique compétent comme Kang Suk-ju est une grande perte pour le Parti du Travail et le peuple coréen. La dépouille du défunt est ensuite installée et la famille du défunt et les membres du comité du deuil national l'ont couverte de la terre. La couronne mortuaire au nom du camarade Kim Jong-un est déposée devant la tombe, suivie des autres au nom du comité central du Parti du Travail de Corée, du présidium de l'Assemblée populaire suprême et du cabinet ministériel de la République populaire démocratique de Corée. Tous les participants ont observé un moment de silence à la mémoire du défunt.